Guardar. Yeah, man. Pass me the Cali weed. Ganja, everybody healing at the nation. Bumbo clock. Yeah, man. Pass me the Cali Cali. Me wanna smoke a sensimilia. Cali Cali. Avec du son de la familia. C'est clair, man, il y a mille et une façon de brûler sa ganja. Mais moi c'est pas midi, calé calé. Mi wanna smoke son sumilia. Calé calé, avec du son de la familia. C'est clair ma lilia. Mille et une façon de brûler sa ganja. Mais moi c'est une fois, deux fois, trois ou quatre, peu importe, je m'attraque. Je tue les spliffs, y'a tous mes potes qui craquent. Jamais de sniff, je veux pas qu'on me détraque. Je veux pas de votre coke, votre héros, votre crack. J'fume la weed et tous les bonbons clatent. Pousse éclate, race clate. Et tous les clates, je m'en fous, je les éclate. Au contact de mon briquet, la chaleur fait s'allumer toutes les têtes imbriquées. La bouffée est rude, elle arrive même à me faire tousser. Ça m'a courroucé, pour la peine j'en ai fait un deuxième pour faire passer. Car moi c'est passe, mais des calais, calais. Mais wanna smoke a sense, milia. Calais, calais, avec du son de la familia. C'est clair ma lilia. Mille et une façon de brûler sa ganja. Mais moi c'est passe midi calé calé. Me wanna smoke a sense milia. Calé calé, avec du son de la familia. C'est clair ma lilia. Mille et une façon de brûler sa ganja. Mais moi c'est je la fume depuis long time. J'en ai fumé des tas, j'en ai fumé des montagnes. Un médicament naturel qui guérit et qui soigne. Malheureusement pour nous, y'a les flics et les douanes. Mais ce n'est pas tout, je parle au ganja man. Fais gaffe aux poucaves qui peuvent t'envoyer au bagne. Trop de mes brethren y sont partis et j'en témoigne. C'est pour ça que sur moi, j'en ai toujours que quelques grammes. Passe mes décalés, calés. Mais wanna smoke a sense milia. Calais, calais, avec du son de la familia. C'est clair ma lilia. Mille et une façon de brûler sa ganja. Mais moi c'est passe midi, calais, calais. Mais wanna smoke a sense milia. Calais, calais, avec du son de la familia. C'est clair ma lilia. Mille et une façon de brûler sa ganja. Mais moi c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, toutes les fois. Yeah man, l'original, we're British and Ganja smoke listen.